C'est mon roule on fait du joujoule. Je traîne, je fais mes affaires, je ne suis pas ce que tu prétends. Et moi pendant ce temps, je traîne, je fais mes affaires, je ne suis pas ce que tu prétends. Non, ce que tu prétends. À la base, j'ai pas fait ça pour les thunes. Je dis ce que je fais, je fais des tubes. Je m'entraîne à lever un gros cube. J'ai le beat, je fais plus trop de clips. Je faisais du foot, je tout laissais tomber. Mes potes au braqué, ils sont tous tombés. Au secteur, ils ont mis caméra. Ça job à la sauvette, à mon système D. On ira loin. Si tu veux, on travaillera moi. On m'a dit, méfie-toi. Tu as trahi l'homme, ouais, tu as trahi l'homme.